Le seul pouvoir que Satan détient dans la vie du croyant est celui que ce dernier lui accorde de plein gré. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. La crucifixion est un des moyens d'exécution capitale les plus cruels et les plus douloureux conçus par l'homme. Même si la crucifixion était bien connue avant l'avènement de l'Empire romain, c'est ce dernier qui a répandu son usage pour punir ceux qui se rebellaient contre sa domination. Les Romains eux-mêmes ne se résignaient à utiliser ce supplice qu'envers leurs pires prisonniers. Charles Stanley nous rappelle aujourd'hui que notre précieux Sauveur Jésus-Christ est mort de cette façon excessivement douloureuse afin de nous offrir le pardon des péchés et de nous accorder ainsi la vie éternelle en compagnie de notre Père céleste. Restez avec nous pendant que nous terminons ce périple au cœur de la croix qui nous démontre l'amour de Dieu. Dieu pouvait-il commettre une erreur? Comment aurait-il pu poser un acte tout à fait disgracieux, qui n'avait aucun sens et à la limite de la folie? Sa parole dit dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Comment Dieu aurait-il pu commettre un geste stupide et insensé? Nous pouvons considérer d'un point de vue humain un événement contenu dans la Bible et nous questionner sur la sagesse d'une action divine. Nous devons décider si la crucifixion était un geste de sagesse de la part de Dieu ou une pure folie. Et tous les croyants savent que la crucifixion de Jésus-Christ était une expression de sagesse immense et divine. Je me propose de vous expliquer, pendant les prochaines minutes, les raisons qui confirment cette position. Premièrement, par la crucifixion de Jésus-Christ, Dieu se révélait au monde d'une manière nouvelle et inédite. Il se révélait plus qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. La crucifixion de Jésus-Christ était un message de Dieu qui exprimait son amour inconditionnel pour l'humanité. Regardons maintenant Romains chapitre 5, verset 8, pendant un moment. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Comment Dieu a-t-il prouvé son amour? Par la croix. Par la croix, Dieu nous a démontré son immense amour, même si nous étions encore pécheurs. Nous sommes l'objet de l'amour de Dieu, un amour si grand et si intense qu'il n'a pas hésité à envoyer son Fils uniquement engendré dans ce monde mourir pour nous. Les religions du monde ne connaissent rien d'un Dieu rempli d'amour pour ses créatures. Les religions du monde, jusqu'à ce jour, ne connaissent rien d'un Père aimant. Les adeptes de ces religions doivent plaire à leur Dieu et tenter de les apaiser. Ils doivent leur offrir toutes sortes de choses, se livrer à toutes sortes de contorsions et souffrir. Ils doivent se sacrifier de diverses manières pour espérer plaire à leur Dieu et les apaiser. Or, par la crucifixion de son Fils Jésus-Christ, Dieu nous exprime son amour inconditionnel et son offre de pardon qu'il propose au monde entier. Il ne servirait à rien d'accuser les Romains, les Juifs, les Pharisiens ou les Sadducéens de cette injustice. Ils n'ont fait qu'accomplir, sans le savoir, la volonté de Dieu. Car Dieu avait décrété bien avant ces événements que son Fils, uniquement engendré, allait être crucifié afin de sauver le monde. C'est de cette façon, empreinte d'une immense sagesse, que Dieu pouvait nous procurer une vie éternelle en sa compagnie, tout en demeurant un Dieu juste et saint. Car la croix était la démonstration de la justice de Dieu. Il a prouvé, par cette action d'éclat, qu'il pouvait sauver l'humanité malgré son état pécheur, mauvais et vil. Et en même temps, il respectait son propre décret, enregistré dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. « L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. » La seule raison pour laquelle nous ne sommes pas destinés, encore aujourd'hui, à être éternellement séparés de Dieu, c'est qu'il a envoyé son Fils uniquement engendré dans le monde, qu'il l'a cloué à la croix et qu'après avoir placé sur lui toute la culpabilité de nos péchés, l'a fait mourir sur la colline du Calvaire. En faisant cela, il a satisfait l'exigence de sa parfaite justice en tant que juge ultime qui punit le péché. Voilà le véritable sens de la croix. Sans croix, il n'existe plus aucun pardon pour nous. Car si Jésus-Christ n'était pas mort à notre place, le Dieu Tout-Puissant ne serait pas un Dieu juste qui tient sa parole, qui parle toujours avec vérité et dont nous pouvons dépendre en toutes circonstances. Et si on nous demande, la crucifixion était-elle un geste de folie ou une expression de divine sagesse? Nous pouvons répondre qu'il s'agissait d'une action empreinte de sagesse absolue et divine, car, en envoyant son Fils Jésus-Christ à la croix, Dieu exprimait son amour inconditionnel pour nous. En un bref moment de l'histoire de l'humanité, par le geste d'un seul homme et en un seul endroit, le Dieu Tout-Puissant a payé la dette encourue par le monde entier depuis le commencement du monde jusqu'à sa fin par la mort d'un seul homme. Grâce à cette mort, nous nous trouvons en présence du point tournant de toute l'histoire de l'humanité. Rien ne peut se comparer à cet événement et rien ne pourra s'y comparer jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. D'ici là, la crucifixion de Jésus-Christ n'est semblable à aucun autre événement. Pour les croyants, ce geste est une démonstration éclatante de la sagesse de Dieu. Et je me propose de vous expliquer pourquoi sans plus attendre. Premièrement, par la crucifixion, Dieu s'est révélé tel qu'il était. Et pour connaître la deuxième raison, je vous demanderai d'ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Dans ce passage, Dieu expose Satan tel qu'il est vraiment, et en même temps, il le dépouille de son pouvoir sur nous. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et ensuite, voici ce que Dieu a fait, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Afin de bien comprendre ce verset, nous devons nous rappeler certains usages en cours à cette époque. Quand un prisonnier romain allait être exécuté, on plaçait auprès de lui une inscription contenant la liste de tous ses crimes. Mais dans le cas de la crucifixion de Jésus-Christ, il s'agissait de nos crimes. Car par la mort de son Fils Jésus-Christ, Dieu le Père, verset 14, nous lisons, « a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. » Cela signifie que Dieu considère maintenant notre vie, alors qu'il n'y subsiste plus aucune ordonnance de mort pesant contre nous, ni aucune liste de crimes. Nous sommes les enfants pardonnés de Dieu, puisqu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Voici comment la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu se sont exprimées. Il a pris cette liste de péchés, cet acte contenant toutes les ordonnances de Dieu que nous avions transgressées et qui nous condamnaient. Vous voulez savoir le contenu de cette liste? Cette liste décrit chaque péché que vous avez commis et que vous commettrez jusqu'à la fin de votre vie terrestre. Pouvez-vous vous imaginer la longueur de cette liste? Ne vous en faites pas, la mienne est probablement aussi longue. Là n'est pas la question, car un seul mot sur cette liste suffirait à condamner tout homme et toute femme. L'important, c'est que Dieu a pris la liste des péchés de chacun de ses enfants et il en a complètement effacé le contenu. Et il s'en est débarrassé en la clouant sur la croix. Regardons maintenant la croix avec les yeux de Dieu. Il voit son Fils Jésus-Christ sur cette croix. Il y voit aussi notre certificat de condamnation avec la liste complète de nos péchés. Votre liste de péchés est clouée à sa croix. Quand Jésus-Christ a été crucifié, il a pris avec lui toutes nos listes de péchés. Et quand nous venons à lui pour le recevoir personnellement comme notre Sauveur, au même instant, l'élimination de notre liste de péchés devient réalité. Nous devenons alors des fils et des filles pardonnés par Dieu, et cela pour l'éternité. Jésus a pris nos listes de péchés et il les a clouées au bois. Il est écrit au verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. » Mais ce n'est pas tout. Regardons le verset 15. « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Par la crucifixion de Jésus-Christ, Dieu a détrôné Satan. Il a complètement détruit sa puissance. Et aujourd'hui, Satan n'a plus aucun pouvoir sur une personne qui a cru en Jésus-Christ. Le seul pouvoir que Satan détient dans la vie d'un croyant est celui que ce dernier lui accorde de son plein gré. La Bible affirme que lorsque nous avons été sauvés, le Saint-Esprit est venu dans notre vie pour y rester. Il nous a baptisés dans la personne de Jésus-Christ et il nous a scellés pour le jour de la rédemption. Le Dieu Tout-Puissant habite maintenant en nous par l'intermédiaire et la puissance de son Saint-Esprit. Lisons 1 Jean chapitre 4, verset 4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Il est vrai que Satan peut encore nous tenter et nous éprouver, mais pas autant qu'il le voudrait. Il n'a pas carte blanche. Pour nous en convaincre, nous pouvons regarder 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Rien ne nous oblige plus à désobéir à Dieu, car nous avons maintenant le pouvoir de supporter et de résister à la tentation. Car sur la croix, la puissance de Satan sur notre vie a été annulée. On peut l'imaginer, sautillant de joie devant le spectacle de la crucifixion de Jésus-Christ. Car enfin, il était débarrassé de son ennemi juré, le seul homme à lui avoir résisté avec succès. Mais ce qui semblait être un moment de triomphe pour les forces du mal s'est rapidement transformé en débandade totale au moment où le Père éternel a cloué sur la croix tous nos actes de condamnation avec son Fils. Il déclarait aussi tous ceux et toutes celles qui allaient croire en son Fils non coupables. Les péchés passés, présents et futurs étaient tous effacés. Je veux maintenant attirer votre attention sur une autre conséquence du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Je crois qu'il n'existe aucun autre argument comparable pour prouver que la crucifixion n'était pas un geste de folie, mais une démonstration exquise de la sagesse de Dieu. Cette conséquence a des répercussions éternelles sur des aspects spécifiques nous concernant. Lisons 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 20. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » Je le répète une autre fois. Nous n'avons pas été rachetés de la main du diable, mais pour satisfaire l'exigence de la justice de Dieu. Versets 19 et 20. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Jésus est ici comparé à un agneau sans défaut, car il n'avait jamais commis de péché de toute sa vie jusqu'au moment de sa mort sur la croix. Il était, de ce fait, capable de payer la dette de nos péchés, puisqu'il n'en avait lui-même aucun. C'est pourquoi nous sommes maintenant pardonnés par Dieu grâce à son Fils. Et en plus d'être pardonnés, nous sommes également réconciliés avec Dieu. Notre relation avec le Dieu Tout-Puissant est maintenant rétablie, comme l'affirme l'Épître de Paul aux Romains chapitre 5, versets 10 et 11. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Rachetés par Dieu et réconciliés avec lui. Voilà notre état de sauvé. Et en vertu de cette relation rétablie, nous pouvons maintenant marcher chaque jour dans une relation intime avec notre Dieu. Regardons maintenant un troisième effet de la crucifixion de Jésus-Christ sur chaque croyant. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Que signifie « le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché » ? C'est comme si nous nagions dans un fleuve de pardon, comme si nous nous tenions sur un rocher de pardon, comme si nous nous abritions sous le parapluie du pardon de Dieu. Quand Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été crucifié, Dieu le Père a placé sur lui tous nos péchés. La liste de nos péchés n'existe plus. Elle a été clouée à la croix de Christ. Nous sommes désormais déclarés justes et non coupables devant Dieu. Si vous avez fait personnellement confiance à Jésus-Christ comme votre Sauveur, Dieu, dans son immense pardon, ne vous a pas seulement sauvé une fois pour toutes, mais le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie continuellement de tout péché. Lorsque nous nous approchons de Dieu pour lui confesser nos péchés, nous reprenons notre relation, notre communion avec lui. Ce n'est pas que Dieu s'est éloigné de nous. Dieu ne s'éloignerait jamais d'un de ses enfants. Il ne le pourrait pas. Il ne l'accepterait pas. Mais nous pouvons nous éloigner de lui. Notre désobéissance et nos péchés nous éloignent de lui, mais lui ne s'éloigne jamais de nous. Or, nous savons que peu importe les circonstances, nous marchons continuellement dans le pardon de Dieu. Si je pèche contre Dieu, je peux m'attendre à ce que l'amour de Dieu pour moi s'exprime sous forme de discipline. Je peux m'attendre à le sentir moins présent dans ma vie. Je peux m'attendre à ce sentiment d'éloignement, car le péché me détourne de lui. Je peux commencer à réaliser que les choses tournent moins rond qu'habituellement. En effet, bien que Dieu ne s'éloigne pas de moi, il peut retenir une partie des bénédictions qu'il me destinait par mesure de discipline. Car le péché appelle une punition, mais cette punition n'est jamais la mort pour un enfant de Dieu, car nous sommes sauvés une fois pour toutes. Or, quand nous confessons notre péché, nous reprenons notre relation avec Dieu. La sensation d'éloignement prend fin, et nous sommes de nouveau dans son intimité. Dieu, par son amour, a démontré à la croix de Jésus-Christ qu'il a conçu son plan rédempteur de telle manière qu'en une seule étape, en un seul acte de foi, je suis pardonné de mon péché. À partir de ce moment, je vis dans le pardon du Dieu Tout-Puissant. Voilà une autre preuve de l'énorme puissance de la croix. La croix de Jésus-Christ procure un autre effet bénéfique dont nous sommes rarement conscients. Tournez avec moi dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Nous avons déjà vu que la croix est une expression de la sagesse de Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ nous a rachetés, nous a réconciliés avec Dieu le Père et il nous a ramenés dans une relation avec lui. Nous marchons maintenant chaque jour pardonnés de nos péchés. Lisons à présent 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui, Jésus, qui n'a point connu le péché, il, Dieu le Père, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si Dieu a fait devenir Jésus péché, ce n'est pas parce que Jésus avait péché, mais parce que Dieu avait placé tous nos péchés sur Jésus. Il est devenu péché pour nous en prenant notre place, pour subir à notre place le juste châtiment de notre péché. En conséquence, nous sommes maintenant revêtus de la justice de Dieu. C'est un autre aspect de l'œuvre de la croix. Nous ne sommes pas toujours conscients d'être justes et nous ne nous considérons pas toujours comme étant justes. Voyons pourquoi. La plupart d'entre nous, lorsqu'ils sont devenus chrétiens, ont reçu cette idée. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, loué soit Dieu. Et je ne peux m'empêcher de penser, mais... où sont-ils allés chercher cette idée selon laquelle ils sont seulement des pécheurs sauvés par grâce? Arrêtons-nous sur cette idée pour y réfléchir un moment. Le fait de vous considérer un pécheur sauvé par grâce exerce un effet terriblement négatif sur vous et votre façon de vivre. Car si vous vous levez demain matin en vous disant « Je te remercie, Seigneur Dieu, car je suis un pécheur sauvé par grâce. Merci mille fois. » Vous avez déjà confirmé votre état de pécheur pour la journée. Vous commencez votre journée avec une attitude défaitiste devant le péché. D'une certaine façon, vous vous attendez à succomber face au péché, car vous avez déjà dit « Seigneur, tu sais que je ne suis qu'un pécheur sauvé par grâce. » J'aimerais maintenant vous poser une question, et je vous demande d'être honnête devant Dieu. Vous êtes-vous déjà considéré comme un saint? Un saint? Je devais le répéter car certaines personnes trouvent la simple idée d'être un saint très étrange. Pourtant, nous sommes censés marcher dans la sainteté. Quand je dis que nous sommes des saints, je ne veux pas parler de la sorte de saint que certaines personnes veulent adorer. Je parle d'un saint sanctifié par Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'apôtre Paul ne commence jamais ses épîtres en s'adressant aux pécheurs de Corinthe, aux pécheurs de Philippe ou aux pécheurs d'Éphèse? En quels termes s'adresse-t-il souvent à ses destinataires? À tous les saints. Un saint est une personne sauvée par la grâce de Dieu, mise à part selon le choix de Dieu pour accomplir sa volonté et ses desseins et pour vivre pour Dieu. Voilà qui nous sommes. Nous sommes les saints de Dieu. Nous avons été revêtus de la justice de Christ. Quand nous agissons comme nous devrions le faire, comme enfants de Dieu, nous marchons dans la sainteté devant Dieu. Nous marchons dans l'obéissance devant Dieu. Voilà une autre conséquence, un autre effet de la croix sur notre vie. Nous avons été rachetés de nos péchés et réconciliés avec Dieu. Nous vivons dans le pardon incessant de notre péché chaque jour et chaque seconde de notre vie. Nous sommes devenus justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes ses représentants et ses ambassadeurs sur la terre. Jésus-Christ vit en nous sa vie par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Voilà qui nous sommes en réalité. Je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais nous approchons de la fin de l'émission et j'aimerais conclure. Certaines personnes pourraient s'objecter à mes propos. Tout se sent répandu. Toute cette souffrance, toutes ces atrocités, cela me dégoûte. Dieu n'aurait-il pas pu concevoir un plan moins sadique, moins sanguinaire? Pourquoi avait-il besoin d'un sacrifice humain s'il est infini en sagesse et en amour? Pourquoi son plan de rédemption, son plan de salut pour l'humanité, devait-il passer par la croix de Jésus-Christ? Pour répondre à cette question, regardons 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 à 29. Voilà un point sur lequel plusieurs personnes éprouvent des difficultés. D'ailleurs, toutes les autres religions refusent de le reconnaître. Lisons les versets 27 à 29. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Quelle était l'intention de Dieu en nous transmettant tous ces passages de la Bible qui nous parlent de la croix? Voici son message. « Dans ma sagesse, j'ai décidé de racheter l'humanité par le moyen d'une vieille croix rugueuse sur une colline lointaine qu'on appelle Golgotha ou le Calvaire. Pourquoi? Parce que le salut par la croix ne laisse plus aucune autre solution aux femmes et aux hommes de cette terre pour se rendre acceptables aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour plaire à Dieu par nos propres moyens. Nous n'avons rien à lui offrir. Aucune œuvre, aucun cadeau, aucune réputation, aucun prestige, aucune puissance, aucune position ne saurait nous rendre acceptables à ses yeux. Cela signifie que peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, peu importe la couleur de votre peau, peu importe votre éducation, peu importe votre occupation, peu importe votre compte en banque, cela ne fait aucune différence pour Dieu. Or, si vous êtes disposé à demander au Seigneur Jésus-Christ, qui est allé à la croix du Calvaire pour payer la dette de votre péché, de pardonner vos péchés, si vous voulez le recevoir et si vous acceptez sa mort comme paiement pour votre péché et que vous voulez devenir un enfant de Dieu, vous le deviendrez à l'instant même. Vous serez alors revêtu de sa justice et vous commencerez avec Dieu une relation que même la mort ne pourra pas compromettre. Vous vivrez avec Dieu pour l'éternité. Prions. Père éternel, nous t'aimons, nous te glorifions et nous bénissons ton saint nom. Nous prions que le Saint-Esprit grave ce message dans le cœur de toute personne qui ne te connaît pas encore intimement. Que toute personne qui a entendu cette émission, peu importe son péché ou le mal qui habite présentement dans son cœur, puisse comprendre que ta merveilleuse offre de grâce et de pardon éternel ne s'adresse pas qu'à un petit groupe restreint, mais à toute personne prête à l'accepter. Tu dis dans ta parole que tu as tellement aimé chacune de tes créatures que toute personne qui croit en toi ne périra pas, mais que tu lui donneras la vie éternelle. Nous te glorifions, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'honorons et nous te remercions pour la croix de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ta sagesse. Nous nous humilions maintenant devant elle, Père éternel, et nous te supplions d'attirer tout homme, toute femme et tout enfant à toi. Qu'il puisse comprendre que la croix n'est pas qu'un symbole, mais l'expression d'amour, de bonté et de bienveillance d'un Dieu qui nous aime à n'en mourir. Nous demandons ces choses dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous n'arriverez pas à impressionner Dieu par votre richesse, votre puissance ou votre popularité. Il n'accorde aucun privilège aux faibles ou aux méprisés. Cependant, le salut est le cadeau gratuit de Dieu. Il l'offre à qui le veut, peu importe sa position. Charles Stanley nous a rappelé que la seule exigence pour demeurer avec Dieu est la foi en Jésus-Christ. Nous savons que sa mort nous a procuré le pardon des péchés. Si ce n'est pas déjà fait, prenez votre décision pour Jésus-Christ dès aujourd'hui. Dieu a accompli, par la croix du calvaire, ce dont nous étions incapables par nous-mêmes. Il nous offre son aide, non seulement dans l'au-delà, mais également dès maintenant, dans notre vie de tous les jours. Serez-vous assez humble pour accepter l'aide du Dieu créateur de l'univers? Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ, qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.